Le second coup qui frappe le sol, c'est la certitude, avant même qu'on ait commencé à lire, et qu'on soit rentré timide dans une librairie, timide car on a l'impression à cet instant qu'on pourrait voir notre âme, que c'est cet écrivain-là qu'il nous faut lire de façon urgente pour vivre avec lui l'équivalent d'une métamorphose. D'où cela vient-il de presque rien, une phrase lue, la recommandation d'un auteur aimé, peut-être une réminiscence. C'est comme ça que je suis parti un été en vacances avec un livre de Peter Handke, un livre plutôt ennuyeux d'ailleurs, qui s'appelait « La perte de l'image » et que j'ai lu au bord d'une petite piscine dans une résidence triste, avec le sentiment inexplicable que ce livre avait la faculté de sauver mes vacances et ma vie. Bah c'est donc qu'il n'était pas si ennuyeux ce livre. Et donc le troisième coup qui annonce le grand écrivain, qu'est-ce que c'est ? Bah, le troisième coup survient en pleine lecture quand on pose son crayon et qu'on se dit que ça ne servirait à rien de toute façon de tout souligner puisque faudrait souligner la totalité du livre. C'est comme ça que j'ai lu par exemple Orthodoxie de Chesterton avec le sentiment qu'à part apprendre ses arguments par cœur, il n'y avait pas grand chose d'autre à faire. Les apprendre par cœur ou carrément me convertir au christianisme pour honorer la mémoire de ce livre génial. Oui, c'est une façon assez radicale de lire, vous faites ça souvent ? Tout à fait, sauf que je peux tout aussi bien me convertir au matérialisme dialectique, car je viens de découvrir Brecht, le dernier des écrivains que j'aurais cru que je lirais un jour, mais il y avait bien eu les trois coups. Pourtant, le coup de l'enfance, un coup que je croirais pendant longtemps manqué quand j'étais allé voir l'opéra de Katsu avec ma classe à l'Agora d'Evry, événement presque contemporain de l'effondrement de la RDA, dont Brecht aura été l'écrivain le plus terrible. Il était alors mort à jamais, comme était mort le communisme. Le second coup date de ces derniers mois quand j'ai redécouvert par hasard Brecht comme ami de Walter Benjamin sur lequel j'avais travaillé un peu. J'avais accepté de le fréquenter donc car il était l'ami de mon ami. J'aime bien en général une certaine arrogance. Alors avec Brecht, j'allais être particulièrement servi en découvrant par exemple que la distanciation, ce vieux truc de théâtre un peu daté, n'était rien de moins qu'une réponse argumentée et cohérente à la catharsis d'Aristote et qu'à tout prendre, ma manière de romancier me porte bien plus à la distanciation qu'à l'aristotélisme. Oui, je sens que le troisième coup est proche. Alors en quoi Brecht est-il un grand écrivain ? Alors je me suis dirigé, certain de mon coup, et comme on braque une banque dans la librairie théâtrale près de la Gaîté Lyrique, tous les Brecht étaient là, j'en voulais un très théorique. Je suis ressorti avec exactement l'inverse, un livre qui s'appelait « L'ABC de la guerre » où des photos d'actualité de la Seconde Guerre mondiale sont légendées par des quatrains dont il n'y a pas un seul que j'ai lu sans trembler. Aux trois coups du théâtre classique, Brecht avait, à sa manière à lui fatale, d'en ajouter toujours un quatrième. « Que faites-vous, frère ? Une voiture blindée et avec ses plaques juste à côté ici, des obus qui percent les parois blindées. Et pourquoi tout cela, frère ? Pour vivre. » Merci beaucoup Aurélien pour vos citations brechtiennes. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Jules Barbier en compagnie de Laure Blanqui, Manon de la Selle, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger réalise pour vous cette série d'émissions. À la prise de son aujourd'hui, c'était Florent Bujon. À la lecture des textes, Bernard Gabet. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour des contresens philosophiques après « Connais-toi toi-même » lundi « L'homme est un loup pour l'homme » aujourd'hui. Demain, on commentera et on éclairera, on expliquera cette citation de Descartes « L'homme doit se rendre comme maître et possesseur de la nature ». Est-ce un appel à la toute-puissance de l'homme sur la nature ? Marie-Frédéric Pellegrin viendra vous dire si oui ou non, j'imagine que vous pressentez la réponse. En tout cas, vous saurez tout sur ce contresens et cette citation originelle demain à partir donc de 10h. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site de France Culture ou bien en téléchargeant l'application Radio France qui vous permet d'écouter les émissions de tout le groupe Radio France en direct mais aussi en téléchargement, en podcast, comme ça vous les écoutez où vous voulez et quand vous voulez. Sachez que les Chemins de la Philosophie sont désormais disponibles aussi sur Spotify, donc les plateformes où vous pouvez écouter et télécharger cette émission sont de plus en plus nombreuses. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. On est toujours ravis de vous lire et de répondre à vos commentaires. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.